Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on continue notre étude de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 1 et nous allons voir le verset 3-4 aujourd'hui. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci encore une fois pour ta parole qui est le pain pour notre âme, notre nourriture spirituelle. Comme la nourriture fait croître le corps humain, le garde en santé, la nourriture spirituelle nous fait grandir, nous fait aller de progrès en progrès. Puisses-tu nous diriger encore une fois ce matin, et comme l'apôtre Paul va parler, apprends-nous à te rendre grâce de tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen. Nous avons vu que l'apôtre Paul était l'auteur de la deuxième épître aux Thessaloniciens, lui l'apôtre de Christ. Il avait entendu des nouvelles de l'Église de Thessalonique et il a écrit une première lettre pour les encourager, pour les instruire. Et il en écrit une deuxième lettre encore pour les encourager, encore pour les instruire, afin qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. Ensuite, nous avons vu que la lettre était destinée à l'assemblée ou au peuple de Dieu à Thessalonique. Ces hommes et ces femmes qui s'étaient convertis à Dieu et qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ et que, ensemble, ce peuple dans cette ville travaillaient ensemble pour servir le Dieu auquel ils s'étaient convertis. Nous avons vu que cette jeune église, dès ses débuts, souffrait de la persécution, des tribulations, et de la part des Juifs et de la part de leurs compatriotes. Donc, on va voir ce matin que l'apôtre Paul, comme dans la première épître, rend grâce à Dieu continuellement. Pour ce faire, nous allons lire le verset 3 et 4. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc l'apôtre Paul rend grâce, remercie à Dieu d'un cœur reconnaissant. Et comme je l'avais fait remarquer dans la première épître, peu importe ce que vous constatez dans la vie des croyants ou dans votre propre vie, le seul à qui on doit rendre grâce, c'est à Dieu lui-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit au verset 3, « Nous rendons continuellement. » Ça ne veut pas dire que Paul était toujours à genoux dans un coin ou à chaque jour, ou plusieurs fois par jour, il pensait aux Thessaloniciens et il rendait grâce à Dieu. Non, je crois que, comme vous le faites, comme je le fais, quand nous pensons à quelqu'un, quand nous avons des nouvelles de quelqu'un, souvent on va prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de Dieu dans ses frères et ses sœurs. Donc, il rend continuellement des actions de grâce à Dieu. Parce que Dieu est celui qu'on a vu ensemble, qui nous a appelés à la sanctification. On a vu que c'est l'Esprit qui nous a sanctifiés. Donc, on a vu que Dieu était à l'œuvre pour nous sanctifier. Donc, c'est normal qu'on rende grâce à Dieu pour ce qui se fait dans notre vie. Parce que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, nous sommes des gens qui réagissons à ce que Dieu est en train de faire autour de nous et en nous et par nous. Jésus l'avait dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'apôtre Paul va nous dire pourquoi il rend grâce. C'est un peu différent. Dans la première lettre, il avait dit, « Pour l'œuvre de votre foi, pour le travail de votre amour et pour l'espérance que vous avez. » Pour la persévérance que vous avez dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Ici, bon, c'est un peu le même sujet, mais il le dit un petit peu différemment. Il dit, il est juste qu'on rende grâce au Seigneur Jésus-Christ, qu'on rende grâce à Dieu pour vous tous, continuellement, parce que c'est juste. C'est mérité, si je peux dire, de rendre grâce à Dieu. Dieu et mérite qu'on lui rende grâce continuellement. Parce que votre foi fait de grands progrès. Dans la première lettre, il disait, « Nous vous prions, frères, nous vous encourageons à aller de progrès en progrès. » Et ici, il dit, « Je rends grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment se manifeste que ma foi progresse? Est-ce que c'est par « je fais moins de péchés qu'avant » Est-ce que c'est « j'ai plus de réponses à ma prière, à mes prières, donc ça veut dire que j'ai de plus en plus de foi » Est-ce que c'est que, ben là, dans ma prière, je vois même des résultats miraculeux, je vois des gens, des miracles s'accomplir à cause de ma foi? Si la foi est un don de Dieu, je ne peux pas le faire progresser. Le don de la foi qui m'a donné la capacité de croire en Dieu, je ne peux pas faire progresser ça. De quoi est-ce que Paul parle quand il dit « Votre foi fait de grands progrès. » On a vu dans la première épître que l'apôtre Paul, pour qu'il fasse de grands progrès, il avait envoyé Timothée les instruire, les encourager. Et lui-même voulait aller les voir. Et lui-même a écrit une lettre, puis en écrit une deuxième. Quand il parle ici que la foi fait de grands progrès, il parle de leur connaissance, du contenu de leur foi. C'est ça dont il parle, c'est ça qui fait du progrès. Parce que c'est ça que Paul a fait. Quand il les encourage à marcher de progrès en progrès, qu'est-ce qu'il fait pour les aider? Il les instruit. Donc il dit, « Je vois que votre foi fait du progrès. » Comment le savait-il? On n'a pas d'idée ici dans le texte. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Est-ce qu'il parle de ce que Timothée avait ramené la première fois? Je ne peux pas savoir vraiment. Je n'ai pas vu d'indice dans la deuxième épître. Mais il semble être au courant que leur foi fait de grands progrès. Ils comprennent mieux l'avènement du Seigneur. Ils comprennent mieux ce qui arrive avec les morts qui sont des croyants et qui vont être enlevés à la fin sur des nuées avec ceux qui ne sont pas encore morts. Ils comprennent. Leur foi fait du progrès. Ils avancent dans la compréhension de la parole, de la personne de Dieu, de l'œuvre de Christ, de ce qui s'en vient dans le plan de Dieu. Ils comprennent mieux leur espérance qui est devant eux. Donc, leur foi fait du progrès. Puis il dit, pas juste du progrès, mais de grands progrès. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne vient pas, ça, en dormant. Pour que ma foi fasse des progrès, il faut que je me fasse instruire. C'est pour ça que Paul voulait les instruire. C'est pour ça que Paul voulait envoyer Timothée. C'est pour ça que Paul voulait aller les voir. C'est pour ça que Paul leur écrit des lettres. C'est pour ça qu'il écrit des lettres à toutes les églises. C'est pour ça que les auteurs encouragent de méditer la parole de Dieu, de bien s'entendre avec leurs dirigeants qui vont les instruire. Je ne peux pas faire de progrès dans ma foi si je ne m'assis pas, façon de parler, et que je n'étudie pas, que je ne médite pas, que je n'écoute pas les Écritures. Je dois m'exposer aux vérités des Écritures pour que l'Esprit de Dieu me fasse faire des progrès, qu'il illumine mon cœur, pour que je saisisse les vérités qui vont m'emmener de progrès en progrès. Souvent, on a pensé que le progrès, c'était un progrès dans la moralité. Mais ce que je vois chez les croyants, règle générale, ce que je vois dans ma vie, la moralité ne fait pas de grands progrès. Les chrétiens ont des péchés dans leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Et on voit des vieux pasteurs, des vieux chrétiens, hommes et femmes, et qui tombent dans des péchés qu'on dirait qu'il n'y aurait pas dû avoir. Ça aurait dû être des péchés pour des jeunes chrétiens. Mais même là, encore, ils ont des problèmes de moralité. Donc, c'est pas ça dont ils parlent. Ils parlent, vous comprenez mieux ce qui se passe dans votre vie. Vous comprenez mieux ce que Dieu avait planifié pour le peuple de Dieu, pour la vie de l'Église. Et quand on comprend mieux, se produit la deuxième chose. Quand la foi progresse, l'amour augmente. Il dit dans le verset 3, à la fin, « Et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Je vous avais dit, dans la première épître, que la foi, l'amour, l'espérance, c'est trois choses indissociables. Quand il y a de la croissance ou du progrès dans une de ces vertus chrétiennes, il y en a dans les deux autres. Si une arrête, les trois arrêtent. Je ne peux pas dire, moi, ma foi a fait des progrès, mais mon amour n'augmente pas. Ma foi et mon amour augmentent, mais j'ai plus d'espérance. C'est contradictoire. Ça ne peut pas être de même. Donc, quand Paul dit aux chrétiens, votre foi fait de grands progrès, automatiquement, il dit, votre amour augmente de plus en plus envers tous. Et l'amour qu'ils ont maintenant, parce que quand ma foi augmente, mon amour pour Dieu augmente. Et quand mon amour pour Dieu augmente, il y a un effet immédiat que mon amour pour les frères et sœurs, qui sont aussi les enfants de Dieu, qui sont aussi des fruits de la grâce de Dieu, je les aime aussi de plus en plus. Attention, l'amour des croyants, les uns pour les autres, n'est pas une absence de difficulté. Ce n'est pas une absence de difficulté dans les relations. Non. Non, parce que si je reste un pécheur, si je suis un pécheur jusqu'à la fin de ma vie, les relations avec les gens vont être difficiles. Mais, si mon amour augmente, je vais être capable de faire face à ces difficultés-là, relationnelles avec mes frères et sœurs, et je vais continuer quand même à les aimer, je vais continuer à les encourager, je vais continuer à me faire encourager et à se stimuler mutuellement pour qu'on attende le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Donc, il ne faut pas penser, parce que les gens pensent que plus une église s'aime, moins il y a de conflits. C'est pas ça que je vois dans les Écritures, et c'est pas ça que je vois dans mon expérience de tous les jours dans les églises depuis 40 ans. Mon amour augmente parce que je comprends ce que tu vis. Je t'aime malgré que je vois des conflits dans ta vie et que tu as des conflits avec moi parce que j'ai des conflits aussi avec toi et j'ai des problèmes aussi dans ma vie comme toi. Donc, mon amour, ça veut dire que je comprends bien qui tu es, je comprends bien ce que tu vis, je comprends que tu as des difficultés à travers les persécutions, les souffrances, comme je voudrais aussi être compris à travers mes difficultés et mes souffrances. Donc l'amour n'est pas une absence de conflit, mais que les conflits n'amènent pas un bris relationnel entre nous. Parce qu'on comprend ce que l'autre vit. Une des grosses difficultés que j'ai vues dans mes relations et dans les relations ecclésiastiques entre les frères et sœurs, c'est quand on a des attentes irréalistes des autres chrétiens. Si vous pensez que les chrétiens n'ont plus de difficultés, qu'ils ne vous feront plus de peine ou de mal, qu'ils n'ont plus de péché ou presque plus de péché dans leur vie, vous allez être déçus énormément. Et ça va même vous amener à douter et même peut-être même perdre votre espérance. Mais si je comprends bien la vie chrétienne, si je comprends bien ce qui se passe dans ma vie, ce que je comprends bien ce que Dieu a planifié pour moi et pour toi, je ne suis pas surpris de voir des difficultés entre les frères et sœurs. Si je veux être accepté, être compris, si je veux qu'on ait de la compassion et de la miséricorde envers moi parce que je suis un pécheur, ça va m'aider à en avoir pour l'autre qui est un pécheur aussi. Nous sommes appelés à vivre ensemble, malgré nos conflits et nos difficultés. Nous allons voir, à la fin du chapitre 3, comment se comporter avec les frères qui ont des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au péché que les autres font. Mais on va savoir comment se comporter avec les frères ou les sœurs quand ils ont des péchés dans leur vie et comment je voudrais qu'ils se comportent envers moi quand j'ai des péchés dans ma vie. Mais ici, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce que leur foi fait de grands progrès et leur amour fait aussi de grands progrès. Et ainsi, au verset 4 qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, ils vont devenir des modèles. Ils vont être cités en tant que modèles par Paul à cause de leur persévérance et de leur espérance. Donc, quand la foi fait des progrès et que l'amour augmente de plus en plus, elle va produire en nous la persévérance dans l'attente de l'espérance que nous avons du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir demain. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous donnes la capacité d'avoir de la foi, une foi qui fait des progrès, et merci de l'amour que tu mets en nous, qui est le fruit de l'Esprit, qui augmente de plus en plus par la connaissance des Écritures, par la connaissance que j'ai de toi et de Jésus et de votre œuvre, dans le monde, dans l'Église, dans chacun de tes enfants. Donc conduis-nous, Seigneur, conduis-nous à toujours aller de progrès en progrès, dans la foi et dans l'amour. Au nom de Jésus, Amen.